sort une prof absente, assise sur un banc. J'attends seul dans le hall. Dire qu'il y a 4 ans que je vis dans ce hall, c'est bien la la la. Dans le hall de mon lycée, je mange mes crottes de nez. Je vois les filles passer, elles disent que je suis bof, pas vraiment leur style. Pourtant elles sont toutes le mien, bientôt ça va sonner le cours de français. Dans le hall de mon je mange mes crottes de nez. Dans le hall de mon lycée, je mange mes crottes de nez.